après avoir joué les nouvelles entrées, vous le savez, depuis quelques semaines déjà, on a un nouveau bloc qui vise à rendre hommage aux pièces qui nous ont quittées depuis la semaine passée. Et c'est ce qu'on va faire à l'instant. Voici notre palmarès. In peace! Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis la semaine dernière. Les pièces qui ont quitté les palmarès Cifou pendant la semaine du 8 avril 2013. Donc, on a entendu Mauve avec Beetle ou T-Bird qui est resté 8 semaines. Ensuite, Chantal Archambault, Les Détours qui a duré 9. Aline avec Deux Hirondelles pour cette semaine. Les Trois Accords et Retour à l'Institut, 9 semaines. Ils sont de retour d'ailleurs avec une nouvelle pièce. Karim Ouellette avec Fox qui est resté 9 semaines et qui est aussi de retour avec une nouvelle pièce. Tire le Coyote, Bon Débarras avec ça qui a duré 10 semaines. Ensuite, Young Rival avec Two Reasons, malheureusement, qui a quitté, mais qui était là pendant 7 semaines. Il faut les ramener. Bears of Legend, formation locale avec Let Me Be, 6 semaines, c'est bien ça, 6 semaines. Oui. Tripsy, ça. Ensuite, c'était This Is Is avec Blacksmith, qui est resté 5 semaines. Ça n'a pas duré longtemps. Et We Are Wolves avec As the Moon Sets, elle dure depuis 10 semaines. Et là, on l'a enlevé et on a inséré un nouvel extrait. Donc, c'est ni vu ni connu des fois. Hein? Oui, c'est paf. Wing, wiki. C'était Palma, Rest in Peace, un bloc qui est semi-récent, qu'on commence à vraiment aimer, un petit montage des pièces qui nous ont quittés, ça vaut la peine. Oui, ça nous permet de pleurer en paix, de vivre notre deuil. Ah, c'est triste. Hein? C'est David Ferron qui va être de retour, qui va être triste parce que sa pièce, Aline, Deux Hirondelles. Ah, tu disais pas fort. Ah, c'est vrai. Hey, pour vrai, à chaque fois qu'il rentre dans le studio, il regarde le palmarès, Aline est où? Il est fier comme une hirondelle. Non, c'est fier comme un pain, je pense. Je sais pas dans un oiseau. Fier comme une flûte à pain. Une flûte? Flûte de pain. Flûte de pain, ouais. Flûte avec pain, flûte pour pain, on sait pas.